fois je me dis que j'irais mieux si mon destin serait détourné, que j'aurais plusieurs plumes à chaque thème entamé. Une nouvelle ère serait pas trop demandée. Je constate qu'il y a plus en plus de gens qui se mettent à mendier, et je me plains trop souvent alors que d'autres galèrent depuis longtemps. J'essaie de me mettre à la barre, trouver le bon chapitre. C'est dur quand on évite le bombardement des critiques. On a tous soif de vengeance, fais pas gaffe ou rature, mais simplement à ma vigilance. On vit seulement pour faire avancer cette putain de planète, mais à quoi ça sert de se tuer pour un bulletin de salaire? Des fois, j'imagine le monde avec mes potes. On se dit que ces Golden Royal serait meilleur pour nous d'une clope. On manipule comme un pantin, mais je suis pas ventriloque. J'écris ma vie ensuite, on m'exploite devant cet anti-pop. Les gens critiquent, et ça c'est pas banal. Non. Les jeunes veulent grandir trop vite et passent très vite du coq à l'âne. Eh ouais. Aujourd'hui on dit que le monde va trop mal, mais les soucis ne s'allégeront pas avec du coq à l'âne. On dit que le rap est mort de pendaison. On m'a dit c'est la merde, il faudrait mieux que je planque mes sons. Je suis pas méchant, non, mais très méfiant. Comment ne pas haïr cette vie quand cette pute ne plante que tes chances? On me reproche d'avoir la grande gueule, mais ce qu'on ignore, c'est que j'ai plus souvent le mauvais œil. Depuis ce jour, j'ai bafoué dans un petit mic, et aujourd'hui le résultat est bien plus classe. Je sais plus quoi faire, à part demander pardon, mais je suis trop fier pour venir à genoux mendier devant ses patrons. Oh ouais. Bien sûr, je voudrais qu'on street fasse un carton, mais comment faire maintenant? Les jeunes n'achètent que de la contrefaçon. Okay. On cherche plus à courir après le succès, on voit l'esprit s'accacher sans excès. La douleur est sévère derrière un bâton dynamite. On sait plus quoi faire devant un tir ennemi. Y'a plus de motus et bouche cousue. J'ai arraché tous ces points de suture. Plus rien me rassure, ni même les factures que je vois se renchérir à l'autre bout du fil. Bien sûr, on vise la lune comme les cosmonautes. Ma plume ne lit pas l'avenir, non elle n'est pas astrologue. Le rap est petit et je suis devenu claustrophobe. Ça devient rare comme apercevoir un de ces codosophes. J'ai rien à perdre en écrivant ce texte. Moi je crie ouais et fort ma haine pendant que les autres se taisent. Okay. J'ai plus rien à cacher, donc j'ai plus de secret. Le hip hop je l'ai mis en cage et chaque jour je vais en abuser. Ils connaissent tous notre parcours, plein d'obstacles de sang. Merci, ceux qui savent, c'est qu'on est de retour pour mettre sur pied nos édifices. Assez de bon sens pour dire comme une équipe est soudée. Lancer dans la course, ça fait la peine de sonner à ma porte. Si c'est pour me saouler, ça y est, le coup est paré et on s'est bien préparé.